Chapitre 8e, le guet-apens. Comme Martin Numa récapitulait tout cela en sa mémoire, établissait le fil de ces singulières coïncidences, du fond du couloir, la voix rude et mécontente de celle qu'il pensait être la cuisinière fidèle se fit entendre. « Eh, monsieur, appela-t-elle, voulez-vous venir ? » Martin Numa ne se le fit pas répéter deux fois. Non pas parce que cet ordre de cordon bleu ne manquait pas de charme, et qu'il ressentait le même plaisir à l'entendre que la voix fraîche et chantante de la jolie femme brune, non parce que la commère des fourneaux pouvait rivaliser avec la commère du music-hall, mais parce qu'il lui tardait de pénétrer dans cette maison bizarre. Il flairait le mystère, le drame, et il était impatient d'entrer définitivement en action. À la porte, de nouveau, la cuisinière l'arrêta. « Je vais prévenir, madame, » dit-elle. Elle laissa là le détective. Les yeux de Martin Numa, dans un cas pareil, surtout, ne demeuraient jamais inactifs. Ils se dirigèrent d'abord sur la porte d'entrée, l'étudièrent. La porte masquée par une tenture qu'il souleva était armée, l'on peut dire ainsi, d'une serrure énorme, sans loquet, ne s'ouvrant qu'avec une clé. Martin Numa remarqua que la clé ouvrant seule cette porte ne se trouvait pas dans la serrure. « Bon, » fit-il, « je suis déjà prisonnier. » Mais il sourit. Aucune serrure ne gardait son secret avec lui. Celle-ci ne serait pas plus incrochetable que les autres. Martin Numa aurait voulu aussi étudier les murs, mais il ne distinguait que fort mal. Les tentures sombres, uniformes qui les revêtaient, cachaient même les portes. Une ampoule éclairait seulement ce vestibule et se trouvait enfermée dans une fausse lanterne arabe à verre multicolore. Martin Numa comprit que ce couloir était disposé de cette façon pour en cas de fuite qu'il fût impossible à celui qui voulait se sauver d'en trouver l'issue. Mais il avait eu le soin déjà de voir où se trouvait la porte et de bien établir sa situation. Il pourrait la retrouver plus tard très facilement. Rapidement, pendant qu'il était seul, après s'être rendu compte avec son sens merveilleux, son oreille dont l'ouïe était d'une acuité intense, ses yeux qui semblaient percer les murailles et voir sous les tentures, après s'être rendu compte, dis-je, que personne ne pouvait le voir, il avait rapidement pris avec son système de lamelles d'acier, qui ouvrait toutes les portes, l'empreinte, pour ainsi dire, de la serrure d'entrée. Il replaça sa tige d'acier à lamelles dans son gilet, à portée de sa main, de façon à la retrouver rapidement. D'un tour de poignet ensuite, il ouvrirait facilement cette porte, si bien défendue, et pourrait fuir. Il laissait à peine retomber la portière, sous laquelle se cachait la porte d'entrée, que la cuisinière qu'il avait introduite apparaissait de nouveau par le bout opposé du couloir. « Voulez-vous me suivre ? » dit-elle de sa voix rude. « Madame vous attend au salon. » Martin Numa rejoignit la bonne femme et il eut soin, en passant la porte, de lever le bras en l'air, tenant haut et en avant son chapeau dans la main. C'était un moyen prudent d'éviter un noeud coulant qui pouvait tout à coup le saisir au passage. Dans le salon, il entra brusquement, après avoir fait un arrêt devant la porte et ensuite un grand pas pour la franchir. Il se trouva presque au milieu du salon. C'était une grande pièce pourvue de meubles en acajou, ornementée de tapisseries faites à la main, avec des protège-têtes aux crochets, de ce style enfin qui fit l'admiration de nos grands-mères et révélait le goût déplorable, dit Louis-Philippe. Quelques tableaux représentant des magistrats, des officiers, voire un évêque souriant, étaient accrochés au mur. Un piano, diverses statues en marbre ou en bronze, des vitrines contenant des tasses blanches à filets dorés de Sèvres avec des chiffres armoriés. En somme, le salon classique de la vieille bourgeoise de bonne famille. Madame Arc était assise dans un grand fauteuil bergère. « Ah, bonjour, monsieur, » dit-elle, « je suis bien contente de vous voir. Je vous remercie bien d'être venue. » Martin Numa s'inclina et dit « Je vous demande infiniment pardon, madame, d'avoir devancé l'heure que nous avions fixée, mais une convocation venue depuis m'appelle d'urgence précisément à cette heure et j'ai pensé ne pas trop vous déranger en venant un peu plus tôt. Vous avez bien fait. » Martin Numa alors ajouta « Dans ce cas, madame, ne perdons pas de temps, puisque nous sommes un peu pressés. Malgré tout mon désir, je n'ai que peu d'instants à vous accorder. Donnez-moi rapidement les premières indications qui me sont nécessaires. Posez-moi les questions, je répondrai. Veuillez me dire où vous avez déposé ce diamant dont la disparition vous inquiète. » Madame Marx s'approcha du piano et dit « Ici, monsieur, j'avais mis le diamant là. Puis j'ai ouvert une partition, j'ai joué, et je suis allé ensuite me coucher, oubliant de reprendre mon bijou, un peu lourd, et me gênant pour jouer. Le lendemain, quand je suis revenu, je n'ai plus trouvé le diamant. Le salon avait déjà été fait par ma femme de chambre. Martin Numa demanda. « Votre femme de chambre est la personne qui vient de m'introduire ici ?»« Non, monsieur, c'est ma cuisinière. Ma vieille domestique fidèle, celle-là. L'autre est partie pour faire une commission. »« C'est sans doute celle qui, en premier, m'a parlé à la porte ?» demanda le détective. Madame Arc, avec hésitation, répondit en fixant sur Martin Numa ses yeux brillants. « Oui, c'est celle qui vous a parlé tout d'abord. » Martin Numa avait une telle candeur sur le visage que Madame Arc, qui certainement cherchait à voir en lui, à lire en ses yeux, ne put rien deviner de sa pensée, rien soupçonner de ce que Martin Numa savait déjà. D'un air indifférent, celui-ci répondit « D'ailleurs, madame, pour le moment, cela n'a aucune importance. Je vous demandais ceci à titre simplement de renseignement. Je n'ai pas besoin aujourd'hui de poser de questions à vos deux domestiques. Il vaut même mieux que je ne les voie pas. Et j'espère, madame, qu'elle ne se doute pas que vous avez dans votre maison Martin Numa, le détective. Non, non, monsieur, elle ne s'en doute pas. Je leur ai dit que vous étiez un homme d'affaires que je voulais consulter pour divers placements et d'autres choses. Bref, ça ne les regarde pas. Je n'ai pas de compte à rendre à mes domestiques. » Martin Numa s'inclina. « Bien, madame, c'était très prudent, en effet. De la sorte, ne se méfiant pas de moi, je pourrais mieux les voir quand le moment sera venu. Mieux les interroger et me faire une opinion solide. Je l'espère, monsieur. » Martin Numa se tut un moment. Il s'approcha du piano. Il regarda le dessus de cet instrument, il en fit le tour, puis il dit « Vous avez bien cherché tout autour, par terre, sous les meubles. Il se peut en effet que cet objet ait roulé, soit pour le moment resté dans un coin, soit sous un meuble. » La bonne dame leva les bras en l'air. « Ah, monsieur, » dit-elle, « j'ai fait faire tout cela sous mes yeux, on a tout balayé, on a tout remué, et on n'a rien trouvé. » Martin Numa cherchait dans la pièce. Il regardait de tous côtés, surtout à terre. Il avait l'air de s'intéresser fort au tapis. Il dérangea un peu de fauteuil environnant le piano. Il secoua quelques partitions du casier à musique. Tout en cherchant à terre, en apparence, il regardait le salon. Il examinait ses tentures, ses tableaux, la position des vitrines, l'emplacement même des meubles. Et il se disait que tout cela était arrangé de façon qui lui permettait à lui de soupçonner que cet arrangement, au premier coup d'œil normal, révélait une disposition spéciale. La bonne dame aidait Martin Numa dans ses recherches, ou plutôt, Martin Numa s'était, pour ainsi dire, collé à la bonne dame qu'il ne quittait pas, dont il tenait avec son bras le bras. Il la suivait, ne laissant pas entre elle et lui le moindre espace. Il la guidait où il voulait qu'elle allât. Il la poussait doucement, mais de façon irrésistible, à l'endroit qu'il voulait examiner. En somme, tout en faisant son inspection à chaque coin de ce salon bizarre, il avait le souci de ne pas s'écarter le moins du monde de la vieille rentière. C'était en effet très prudent. Martin Numa, soupçonneux et méfiant comme nous le savons, se disait que si sous ce tapis, sous un de ces meubles, un endroit quelconque du salon où on voulait le faire passer, se trouvait quelque trappe dissimulée, qui sous ses pas eût cédé, il entraînait avec lui la rentière en ne la quittant pas, en se tenant ainsi toujours à ses côtés. Si la trappe, en admettant qu'elle existât, se trouvait commandée par un bouton, que connaissait ou pouvait manœuvrer la rentière, ou qu'un complice caché de l'autre côté de ce salon devait faire jouer, la rentière n'eût pas fait fonctionner la trappe pour ne pas s'engloutir avec le détective, et le complice se serait bien gardé de son côté d'ouvrir l'abîme sous les pas du détective et de Madame Marc. Ainsi, Martin Numa se gardait en entraînant dans sa chute cette femme. Son bon sens lui disait que la rentière ou le complice probable n'aurait pas risqué, pour tuer Martin Numa, l'une son suicide, l'autre la mort de la bonne dame. Martin Numa eut conscience que ce moyen était bon, car il remarqua plusieurs mouvements d'impatience chez Madame Marc. À la fin, la rentière, comme fatiguée de courir avec lui à travers le salon, de déranger les meubles, revint devant sa bergère. « Je suis un peu lasse, dit-elle. Voulez-vous que nous nous asseyions ? Je pourrais, assise, vous donner d'autres explications. À mon âge, on n'a plus les jambes très solides. Et voilà déjà un bon quart d'heure que nous faisons les arpenteurs et les déménageurs dans mon appartement. » Martin Huma s'inclina et répondit : « La découverte du diamant rose vaut bien qu'on prenne un peu de fatigue. Cependant, si vous vous sentez lasse, je continuerai seul ce travail avant de passer à l'interrogatoire de vos domestiques, car il est nécessaire que je voie par moi-même si ce diamant ne se trouve pas dans votre salon. Si je le trouvais, vous n'auriez plus à porter le moindre soupçon sur vos domestiques, ce que, d'après notre conversation de tout à l'heure, vous sembliez redouter par-dessus tout. En effet, monsieur, j'aurais un gros chagrin de porter le moindre soupçon sur mes gens en qui je ne pourrais plus avoir la moindre confiance. Je vais donc, madame, continuer moi-même les recherches. » Martin Huma vit dans les yeux de la rentière passer un éclair. Il comprit que précisément ce qu'elle voulait, c'est que Martin Huma se baissa, fouilla sous quelques meubles, se pencha, se trouva à terre, demeura en somme dans une posture d'infériorité où la surprise serait facile et la défense peu aisée. Mais Martin Huma dit alors : « Cependant, madame, avant de recommencer mes perquisitions, j'ai quelques questions à vous poser, et j'accepte volontiers de m'asseoir pour mieux vous entendre. » Madame Marc désigna au détective la bergère qu'elle-même occupait tout à l'heure quand il était entré dans le salon. Il se disposa à s'asseoir dans un fauteuil presque en face de cette bergère et assez éloigné d'elle. Martin Huma remarqua que la bergère qu'on lui offrait se trouvait presque appuyée contre le mur. Ses yeux perçants lui permirent de remarquer que derrière la bergère pendait une tenture double et que les deux parties de la tenture se réunissaient juste au milieu du dossier du siège qu'on lui offrait. Il pensa aussitôt que derrière ce meuble, sous cette tenture, se trouvait un piège quelconque dans lequel on voulait le faire tomber. Et il comprit que si à son entrée, Madame Marc se trouvait assise dans cette bergère, qu'elle lui offrait maintenant avec insistance, c'était certainement pour lui inspirer confiance et arriver sans obstacle au moment présent, c'est-à-dire à lui faire accepter ce siège. Martin Huma alors se défendit très poliment d'accepter cette bergère et pria au contraire Madame Marc de bien vouloir prendre elle-même cette place dont sans doute elle avait l'habitude. « Je n'ai pas de préférence, pas d'habitude. Acceptez, je vous en prie. Merci. D'ailleurs, je n'ai que deux ou trois questions à vous poser. C'est l'affaire de quelques instants. Je vous en prie, asseyez-vous là. » Madame Marc, à son tour, résista, et elle insista pour que Martin Huma prît place dans cette bergère. Mais elle avait affaire à un homme dont la volonté ne pouvait être facilement changée. Et comme Madame Marc, d'un geste familier et pressant, affectant une cordialité plus grande, avait pris le bras de Martin Huma pour l'attirer malgré lui dans ce siège, Martin Huma, ayant fait semblant de céder à cette invite plus accentuée, s'approcha de la bergère, mais au moment de s'y asseoir, il s'en écarta. Dans un mouvement de souplesse et de force, il fit tomber à sa place la bonne rentière dans la bergère, tandis que lui se trouvait droit à côté. En tombant ainsi dans la bergère, Madame Marc poussa un cri de terreur terrible. Elle voulut se relever, agitant fiévreusement les bras, poussant des appels au secours, mais ce fut en vain. Le poids de son corps fit agir aussitôt un déclic, et les bras de la bergère se rapprochèrent, la serrant à la taille, tandis que le dossier très élevé se plie en avant et se fermait sur la malheureuse comme un couvercle de boîte, la pressant horriblement. Martin Huma vit des ressorts puissants d'acier jaillir maintenant sous l'étoffe de soie à ramage qui couvrait ce meuble de forme charmante. En même temps, la tenture double qui se trouvait derrière la bergère s'entr'ouvrait, une ouverture sombre apparaissait, et le meuble était entraîné en arrière par un mécanisme des plus ingénieux. Martin Huma, voyant disparaître ainsi en hurlant la bonne rentière, partit d'un long éclat de rire et s'écria : « Au revoir, madame. Quand vous aurez perdu un nouveau diamant, adressez-vous à un autre, mais pas à Martin Huma. »